Et tu le sais, et tu le sais, et tu le sais. Je pense que nous deux ça sert à rien. Le cœur est noir et verrouillé. Je te voulais mais ça sert à rien. Ton père a mis des barrières. On se reverra dans une vie antérieure. 18h sur la Rolex. J'irai peut-être te boire un verre. Ou j'irai te voir au hasard. T'inquiète, j'irai que de passage. J'arrive, faut que tu stresses. Je t'attends au premier étage. Attends, je suis dans l'ascenseur. Descends, descends, j'ai pas le temps. Descends mon cœur, baby, je stresse. Coucou. T'as envie mais tu fais genre. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. Coucou. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. Rester ensemble ça sert à rien. Je dis la vérité même sous piaf. Mais j'avoue j'ai mes défauts. Tu sais très bien que je suis fiable. Elle fait partie de mon passé comme Dr House. Sors de ma vie j'étouffe. Tourne la page et c'est tout. Je me rappelle de nos débuts comment j'étais fou. Je te disais madame comment allez-vous. Je me disais relou mais qu'est-ce qu'elle est douce. Putain mais qu'est-ce qu'elle est douce. Elle m'appelle le lâcheur. Donc elle veut m'attacher. Tu sais je joue comme moi j'ai plus l'âge. Je me sens pris en otage. Ouais, elle veut m'attacher. Je me sens pris en otage. Ah, son cœur je l'ai arraché. Coucou. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais. Coucou. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais, tu sais, tu sais. J'ai voulu lui dire stop. Et tu le sais, tu sais, tu sais. Coucou. Et tu le sais, tu sais. Et tu le sais.